Un récubéli. On est les World of the Dead Moon. Enfin, je suis votre ville de merde. Oh maintenant, charge des bains pour lui tuer la bite.